à tous et bonjour à toutes. On est samedi et c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec le funk et le disco. Alors, pour notre découverte, j'ai sélectionné Alicia Myers et son titre I Want to Thank You. La chanteuse est initiée très jeune à la musique par le biais de ses parents. En 1968, avec son frère, elle remporte un concours de chant en interprétant du Marvin Gaye. Par la suite, elle forme le groupe The Move Mystic jusqu'en 1975, où elle change de groupe pour rejoindre Al Hewson and the Soul Partners. En 1981, sa maison de disques insiste pour la lancer en solo et elle sort son premier opus, Alicia, d'où sera extrait le morceau que l'on va écouter. C'est parti! Alors on passe tout de suite à notre rubrique des 100 hits qui ont fait le disco. Aujourd'hui on va s'intéresser à More More More de Andrea True Connection. Si Love to Love You Baby de Donna Summer injecte une dose d'érotisme dans le disco, More More More la fait plonger dans le X carrément. Andrea True s'installe à New York pour devenir actrice mais une rencontre la fait dévier dans le X. Elle en devient vite une icône. En 1975, elle tourne une publicité en Jamaïque, mais reste bloquée au pays en raison d'une crise diplomatique entre la Jamaïque et les USA. Pour passer le temps, elle décide d'enregistrer une chanson. True écrit des paroles plutôt explicites qui collent bien à son image sulfureuse. Avec une voix légère et plus que sensuelle, elle supplie son partenaire de lui en donner plus, plus, plus. Je vous laisse découvrir par vous-même la suite des paroles. Elle repart à New York, sans argent, mais avec un enregistrement. Les cadres de la maison de disques Buddha Records lui signent un contrat. Persuadé que son image va aider au succès du disque, le single est d'abord distribué en copie promo au DJ quelques temps avant sa commercialisation. Alors, True, elle chante pas très bien, c'est surtout sa plastique et son charisme qui la propulse en tête des hit-parades. La chanson consolide l'image sexy et sulfureuse du disco. Elle sera d'ailleurs reprise par d'autres icônes sexy comme Samantha Fox ou Bananarama. True signera quelques hits notables comme Party Line avant de disparaître des radars. C'était en 1975 et ça donnait ça. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. On va passer à notre rubrique des BO des films disco. On va s'attaquer aujourd'hui avec un film culte, La fièvre du samedi soir. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Le synopsis. À Brooklyn, Tommy Manero, jeune boutiquier d'origine italienne, dénigré par sa famille car n'ayant pas réussi comme son grand frère, devenu prêtre, mais adulé par son groupe de copains, fêtard et bagarreur, ne vit que pour le club de danse Disco 2001 Odyssey, où il fait sensation d'ailleurs et rêve de remporter le premier prix. Le film est sorti en 1977 et a obtenu un award. Alors on a déjà passé un morceau la semaine dernière avec Tavares, et aujourd'hui je vous ai choisi le morceau le plus connu, bien sûr, Stayin' Alive des Bee Gees. Bonne écoute. We'll be right back. Alors pour le maxi, je me suis dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté du ABBA. On va y remédier tout de suite en savourant la chanson « Voulez-vous ». Extrait de l'album éponyme, le titre sort en juillet 1979. Il se classera premier en Belgique, cinquième en France et troisième aux Pays-Bas et en Angleterre. Bon, je pense que vous le connaissez tous et que vous êtes impatients de l'écouter. C'est parti ! Voulez-vous, voulez-vous, Disco et Mr. Funk sur Fadjet. C'est le moment de la pépite. Aujourd'hui, ça fait un bout de temps que je vous l'ai promis, et c'est George Benson et son morceau Nothing Gonna Change My Love For You. Il figure sur l'album 20 sur 20, sorti en 1985. Mais le single ne sort que dans un nombre limité de pays, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas. En face B, on trouve Beyond the Sea, et là aussi, je vous la passerai de ces quatre dans la rubrique reprise. La version que vous connaissez tous est celle de Glenn Medeiros, qu'il interprète en 1987. Bon, assez parlé, place à la pépite. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole. So easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Alors comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas que le disco et le funk dans la vie. Aujourd'hui, on est le 3 décembre et le 8 décembre, ça sera l'anniversaire de la mort de John Lennon, assassiné le 8 décembre 1980. Alors je voulais lui rendre hommage parce que j'aime beaucoup ce chanteur. Moi, j'aime beaucoup les Beatles en général. Donc je vais vous passer Woman en hommage de John Lennon. Look at the half of the sky. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Bon, sur ces bonnes paroles, on va se quitter, car toutes les bonnes choses ont une fin. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine, à samedi prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye.